voyer rincer les verres, faire les lits, récurer par terre. Quand on me donne à penny, je dis poliment merci. Je grelotte dans mes lobes dans cet hôtel de misère. Et vous ne devinez pas qui je suis. Et vous ne devinez pas qui je suis. Mais voilà qu'un soir monteront du port des cris de haine et de peur, des cris d'horreur et de mort. Alors vous me verrez sourire sans rien dire. Vous direz, qu'a-t-elle donc à sourire? Le navire en corsaire, tout de voile dehors, mouillera dans le port. On me dit, mon enfant, fais les vers, fais mon lit. On me tend un malheureux penny. Et le penny, je le prends, et puis je vais faire les lits. Mais personne cette nuit ne couchera dans son lit. Vous ne savez toujours pas qui je suis. Vous ne savez toujours pas qui je suis. Mais ce soir, sur le port, quelle clameur, je serai à ma fenêtre, me moquant de vos terreurs. Vous vous demanderez, qu'est-il donc arrivé? Vous direz, pourquoi ce rire mauvais? Le navire corsaire, découvrant ses sabords, canonnera le port. Ce jour-là, vers midi, 100 marins débarqueront et dans Londres ils avanceront. Alors ils vous prendront et ils vous enchaîneront devant moi à genoux et ils vous aligneront. Ils me demanderont qui mettre à mort. Ils me demanderont qui mettre à mort. Ce jour-là, quel silence sur le port. Devant moi, vous tremblerez. Devant moi, vous gémirez. Quand vous m'entendrez dire doucement, tu l'es tous. Et à chaque tête qui tombera, je dirai hop là. Il en a vu. Tout de voile dehors m'emporte vers mon sort. C'est gentil, hein, c'est marrant. Comme elle vous envoie ça, la petite dame. Qu'est-ce que ça veut dire, gentil? Ça n'est pas gentil, espèce d'idiot, c'est du grand art. Ça n'est pas gentil. Vous m'avez envoyé ça magnifiquement, poli. Mais pour cette bande de fripouilles, sauf votre respect, la vérance est peine perdue. Et gars, dis donc, je n'aime pas du tout ces momeries, hein. À l'avenir, faudra t'abstenir. Qu'est-ce que vous avez à la main, révérend? Deux couteaux. Deux couteaux, capitaine. Et qu'est-ce que vous avez dans votre assiette, révérend? Bah, du saumon, je crois. Du saumon, c'est bien ça. Avec vos couteaux, vous coupez votre saumon. Et bah, pour faire ça, capitaine... Un cochon compris, Jacob, retiens la leçon. Capitaine, Tango, le shérif en personne. Brown, Tiger Brown. On est foutu. Oui, Tiger Brown, le shérif suprême. Le pilier de la police qui pénètre à présent dans l'humble cabane du capitaine Maggi. Retenez la leçon. Hello, Mac! Non, je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je reparte tout de suite. Ah, Mac, fallait-il absolument que ce soit dans une écurie qui ne t'appartient pas? Encore une effraction. Elle est si bien située, hein? Ah, le Jackie, je suis content que tu sois venu assister au mariage de ton vieil ami, Mac! Je te présente tout de suite mon épouse. Née Pichou. Police et Tiger Brown. Pas vrai, mieux. Et voilà maintenant, mes amis, je pense que tu les as tous déjà rencontrés. Non, je suis là à titre privé, Mac. Lui aussi. Allô, Jacob? Ah, tiens, c'est Jacob, les doigts crochus, sacré cochon. Hein. Hello, Jimmy. Hello, Robert. Hello, Walter. Bon, pour aujourd'hui, passons l'éponge. Hello, Eddie. Hello, Mathias. Mais asseyez-vous, messieurs, asseyez-vous. Je suis enchanté de faire la connaissance de la charmante épouse de mon vieil ami, Mac. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Assieds-toi, vieille branche, et sombre dans le whisky. Ma Polly, messieurs, vous avez devant vous un homme qu'un décret insondable du roi a placé bien au-dessus de ses contemporains, et qui est pourtant resté mon ami dans toutes les épreuves et toutes les vicissitudes de la vie, etc., etc. Bien que la vie nous ait, de son flot impétueux, rejetés loin l'un de l'autre, nous les amis d'enfance, bien que nos intérêts professionnels soient tout différents, certains diraient même diamétralement opposés, notre amitié a survécu à toutes les épreuves. Castor et Pollux, Hector et Andromaque et tout ce qui s'ensuit, retenez la leçon. Moi, l'humble détrousseur de grands chemins, il est rare que j'ai organisé un coup de filet sans lui en remettre à lui, mon ami, une partie non négligeable, oh. En hommage et en témoignage d'indéfectible fidélité. Et lui, le chef suprême de la police, il est rare qu'il ait, enlève ce couteau de ta bouche, Jacob, organiser une rafle sans me faire parvenir à moi, son ami d'enfance, un discret avertissement. Et tout ce qui s'ensuit, retenez la leçon, cela repose sur la réciprocité, n'est-ce pas, messieurs? Mais Jacky, tu te souviens du temps où nous étions soldats, hein? Toi et moi, dans l'armée des Indes, hein? Ah, c'est qui? C'est qui? Chantons la chanson des canons. Oh là là.